plonge dans un monde qui ne me parle pas. Pendant ma chute, des voix m'ont dit tout simplement ne pars pas, ne tombe pas. Pourtant je tombe pour aller très bas. Autour de moi j'ai vu des gens tomber dans un très bas. J'étais dépressif, mon corps ne voulait plus faire de mouvement. Mes parents me demandent si je vais bien, j'y vais doucement. Pour ne pas qu'ils sachent qui m'enferme car je ne suis pas comme ça. Tous les jours c'est des cris et torture et je dors avec ça. L'insomnie inonde ma tête, les idées noires bousillent ma tête. Au réveil je me demande si j'ai pas buté un traître. Je ne sais plus ce que j'étais, on me prend par le col. Plus on me détruit et j'ai plus la force d'affronter la mort. À force de me prendre des coups, je pars dans un mauvais délire. C'est les démons qui doivent pisser de rire. Dormir sur le bord de la route à 2h du matin te fait réfléchir. Et tu cherches comment t'en sortir en allant guérir. Un matin je pars en pharmacie demander des cachets. Ils me demandent pourquoi cela, je ne voulais pas parler. J'ai pris toutes ces merdes pour me soigner sans réfléchir. Sans savoir pourquoi somnifère mélangé au mot tête sans réfléchir. Mon corps ne contrôle plus rien, il a perdu le contrôle. C'est sûr qu'avec le vide je ne possède pas le bon rôle. Dans mon attitude ça dégénère, je ne pouvais t'en prendre qu'à moi-même. Aujourd'hui tu ne peux t'en prendre à toi-même. Les pieds sur terre, tu m'as fait devenir bordélique. Je suis devenu froid car les nuages sont maléfiques. Je ne compte plus les médocs que je prenais avant et après. Tout ce que j'ai gobé ne m'ont pas mis en arrêt. J'étais un esclave pour la drogue et la drogue m'a fait plonger. Mes larmes coulent dans le couloir car ça m'a fait sombrer. Tous les jours j'avais peur des répercussions inutiles. Tous ces mensonges me font mal, est-ce ma vie qui est inutile? J'ai plus le pouvoir et je cherche à m'en vouloir. J'avais peur de prendre le mauvais couloir. Alors je continue d'y croire, alors je fonce dans le mur. Ma réponse n'a pas été dans un lieu sûr. Le mal me colle au cul, je cours pour m'échapper à tout. Si c'était à refaire, je dirais non et je l'avoue. Je ne suis pas comme ça et je ne le serai plus. Y'a tellement de cauchemars que je ne verrai plus. Ça c'est loin, c'est fini, je peux quitter cette chambre. Pour m'échapper, je grimpe sur les branches. Forest t'emmerde, Francis t'emmerde désormais. La raison ne m'a jamais désarmé. Aurais-tu le cran de me fumer? La honte est dans tes gestes qui ne sont pas restés muets. Tous les jours c'était des coups que je prenais dans ma tête. Fragile avant, maintenant j'en ai plus rien à foutre. T'as réussi à m'endurcir et à me rendre très dur. Pour me récupérer, ça va être très dur. Nique la drogue, mon ennemi est mort sur le terrain. M'en faire un futur junkie, va te laver les mains. Sans me retourner, mon cœur n'a plus lâché. C'est sur ta tombe que j'irai cracher. Happy end pour la drogue et le suicide.